C'est la crime, c'est corps, c'est la frappe, c'est ripro. On vit ça que de la frappe. Les vite, vite, je suis raté. La juge et les skips m'ont raté. Si les trois, je sais piloter. Mais c'est la crime est culottée. Frère, tous les feux sont verts. Molly, dans son verre. Tu la viscères, avant de sucer jusqu'en enfer. Je compte le zèque, c'est mon ami. Y'en a dans ma rue, dans mon jardin et dans mon lit. Ouais, mon frère, je n'ai pas pris la bonne décision, j'appelle le prix. Tous les jours, le fils c'est le nerf de la guerre. Tous les jours, l'oseille que tu crames tous les jours, il n'ira pas sans vous en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. Autour de la table, sans billets verts. Chargé sans périph. Shit, c'est mon délire. Capuché dans le café. Mon billet de 500 et ma tirelire. Chez moi, les petits sont tous vénères. Veulent pas taffer pour 8 heures au gueur. Valide cash en 3006. T'as pris 12 000 en un quart d'heure. Dis-moi pourquoi vous lavez la lumière si t'es comme un aveugle dans la nuit. Donnez son cul ou ses su. Moi, ça n'est pas mon avis. J'ai dépensé toute ma vie. On est pas des crevards. C'est que du papier. On est des hommes. L'argent, nous sommes le frère. Voler la vie paisible. Ouais, mon frérot, je n'ai pas pris la bonne décision, j'appelle le prix. Tous les jours, le fils c'est le nerf de la guerre. Tous les jours, l'oseille que tu crames tous les jours, il n'ira pas sans terre. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. Autour de la table, sans billets verts. Billets, couleurs, dans la rue. Douleur, un rêve, de l'argent c'est un bonheur. Assez, assez, je suis sur les champs derrière les classés. Charbon, charbon, j'ai le cœur chaud, le sang glacé. Tout en tombant tout en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. J'ai tous tes billets en l'air. You're my man.